je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground ? Qui l'a développé ? Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Comme depuis 3-4 ans, je ne sais plus, 3 ans me dit-on, me fait signe en tout cas de qui c'était 3 ans. Depuis 3 ans, nous allons parler de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux vidéo et peut-être même plus, puisque aujourd'hui pour cet épisode de rentrée, j'ai à ma gauche un certain Manuel, en face de moi j'ai une certaine Sélénée, de l'autre côté de la table Fanny, et nous avons un invité, je ne vais pas encore dévoiler son nom, mais je peux en tout cas dire qu'on va parler d'un thème qu'on a effleuré jusqu'à présent. Il s'agit de l'UX, de l'expérience utilisateur, et plus particulièrement de l'UX design, donc le design de l'expérience utilisateur, un mot un peu compliqué, mais qui décrit en fait comment, après on verra si je me trompe et ce sera très intéressant justement d'en discuter, comment un ou une utilisateur ou utilisatrice a l'usage d'un objet, d'un lieu, d'un jeu. Ah tiens, c'est étonnant. Et effectivement, c'est une notion qui se pose de plus en plus déjà avec le web. L'UX design s'est sans doute beaucoup démocratisé parce que des designers se sont penchés sur comment rendre un outil numérique accessible à toutes et tous, peu importe son âge ou ses connaissances, ce qui est assez similaire aux jeux, puisqu'on a des jeux qui sont autant pensés pour des enfants que pour des adultes peut-être plus aguerris. Mais peut-être je vais laisser Manuel peut-être nous présenter l'invité du jour. Bonjour tout le monde, bonjour Adrien, merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui nous recevons Guillaume Genest. Si vous ne le connaissez pas, d'ici une heure ce sera fait. Guillaume travaille dans l'agence LunaWeb à Rennes, c'est donc un voisin de chez nous et ça nous fait bien plaisir de le recevoir ici. Il est directeur artistique, il s'intéresse beaucoup, beaucoup aux questions du UX. Il a cofondé le collectif UX Rennes qui organise un certain nombre d'événements sur le sujet, sur ces thématiques. Il y a déjà eu des croisements dans les événements qu'ils ont pu organiser avec les questions de jeu. Et effectivement, à la base, c'est des questions que se posent beaucoup les web designers et les concepteurs d'applications. Et je me suis dit qu'il serait intéressant d'en discuter avec lui parce que les problématiques me semblent assez communes avec celles des game designers, notamment sur des enjeux type, utilisons des barbarismes, sur des enjeux type l'affordance, les méthodologies de test et d'amélioration, voilà, ce genre de choses qui sont assez communes. Et du coup, je pense qu'il y a des enrichissements croisés à trouver. Et du coup, on va commencer tout de suite avec une question pour Guillaume. Comment est-ce que tu es venu, toi, à découvrir les principes de l'UX et qu'est-ce qui t'a interpellé là-dedans ? Bonjour à tous déjà et puis merci de m'avoir invité ce soir. Alors moi à la base je suis je suis plutôt issu de l'univers du print, on va dire, donc plutôt graphiste. C'est mon background au niveau de mes études, etc. Et comme beaucoup de graphistes, à la fin de mes études, je me suis un peu naturellement réorienté vers le web parce que il y a 10 ans, les boîtes de pure print commençaient à effectivement voir que les marchés allaient plutôt sur le côté de l'interface web. Et assez vite, en fait, je me suis posé la question de ça sert à quoi ce que je suis en train de faire, quoi, tout simplement. Je suis en train de réaliser des interfaces, mais pour qui, dans quel contexte, pour quel but. Et du coup, petit à petit, ça m'a vraiment donné envie de tout simplement creuser cette question, de dire comment on peut faire pour aller à la rencontre des gens qui vont réellement utiliser les interactions qu'on imagine et comment ces personnes vont les utiliser au quotidien. Le quotidien, ça commence quand la personne se lève le matin et ça se finit quand elle se couche le soir. Donc il y a énormément de cas de figure différents. Il y a énormément de... contraintes techniques aussi qui sont issues de ces moments-là. Maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de devices qui correspondent à ces moments-là. On ne va pas utiliser les mêmes supports de consultation d'une interface, qu'on soit dans notre lit, dans notre canapé, sur un bureau ou dans le métro ou dans les transports en commun. Donc, tout simplement, moi, ma curiosité naturelle de vouloir faire des choses qui ont du sens, qui sont pertinents en tant que designer d'un... d'interface ou de même à la base en tant que designer print m'a poussé à m'interroger sur quelles étaient justement les méthodes pour incorporer les gens dans cette réflexion et dans la manière de créer en fait des dispositifs. Je reste volontairement très vague parce que l'expérience utilisateur et donc le design d'expérience utilisateur, ça évidemment s'applique au web mais pas que et largement pas que quoi. Voilà. Du coup, y a une notion qui a été introduite là par Manuel, et je pense que nos auditeurs et auditrices, j'ai su ce que ça voulait dire, mais les cours d'ingé sont un peu loin. Donc le concept d'affordance. Alors il me semble que ça parle vaguement du fait de l'utilisation qu'on a d'un objet, mais je pense que tu sauras le dire avec des mots plus précis. Alors sans être un énorme non plus technicien de ça, l'affordance c'est effectivement la propension que va avoir un objet à être correctement utilisé, on parle aussi d'utilisabilité, mais et à être reconnu comme étant quelque chose d'utilisable. Quoi. Si on parle d'une interface web, on va parler de l'affordance des éléments cliquables, donc des boutons, des liens, etc. pour tout simplement qu'on repère que ça correspond à l'action que c'est censé représenter. Voilà. Et effectivement, c'est assez intéressant en termes d'expérience parce que y a beaucoup parfois d'objets qui peuvent véhiculer un sens qui n'est pas celui du tout de leur utilisation. Alors, si on parle de liens cliquables, de choses qui sont censées être cliquables sur Internet alors qu'elles ne le sont pas du tout et inversement. Mais ça s'applique à plein d'autres choses. Si on est un peu plus dans l'univers du jeu, moi qui suis un tout petit peu, assez noob dans l'escape game, mais qui du coup me pose pas mal ces questions-là, j'ai souvent été confronté à des éléments en me disant est-ce que ce truc-là, ça se démonte ou pas quoi. Donc effectivement, il y a cette notion-là de comment on type les éléments pour leur donner le sens qu'ils doivent avoir, l'utilisation qu'ils sont censés avoir. Quoi. Voilà. Je sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Alors je veux rien ajouter, mais merci parce que moi-même, je me demandais ce que c'était affordance, parce que j'utilise tout le temps le terme utilisabilité, et en fait, je ne connaissais pas le terme technique pour parler de ça. Moi, je voudrais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. En fait, tu parlais de différents devices. Est-ce que le user experience, enfin, les méthodes, vont différer selon les supports en fait utilisés par les gens. Est-ce que si l'UX va être dans les méthodes pour évaluer l'expérience utilisateur vont différer si c'est sur le web justement, mais aussi pour les jeux sur un plateau ou voilà, à ton avis. En fait, c'est ça qui est assez génial avec le design d'expérience utilisateur. Et je pense qu'on pourra y revenir si vous le souhaitez, mais faut vraiment distinguer l'expérience. Tu l'as dit un petit peu Manuel, au début, mais l'expérience utilisateur et le design d'expérience utilisateur. Mais du coup, au niveau du design d'expérience utilisateur, en fait, c'est une méthode. Et en soi, c'est une méthode qui peut s'appliquer à plein de choses. J'ai presque envie de dire à tout et à n'importe quoi, mais en fait quasiment, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui l'appliquent à des choses qui sont pas du tout numériques, mais plutôt physiques. D'ailleurs, il y a des magasins très connus, des enseignes très connues comme Starbucks, clairement, qui utilisent cette notion de design d'expérience utilisateur pour se différencier de n'importe quel café avec tout un tas d'éléments. qui justement va dans le sens d'une expérience utilisateur mémorable quoi. Mais donc pour revenir à ta question, c'est un ensemble de méthodes effectivement, le design d'expérience utilisateur, qui déjà vise en tout premier lieu à savoir identifier ses utilisateurs, c'est-à-dire que on part effectivement d'un besoin, donc ça peut être enfin ou d'une idée, donc ça peut être quelque chose de ludique, ça peut être un besoin plus commercial, mais déjà le truc de base c'est effectivement de savoir à qui on va s'adresser, à qui on veut s'adresser pour être pertinent par rapport à ça. Donc du coup il y a toute une phase de recherche qui va d'abord débuter cette phase de design d'expérience utilisateur pour aller à la rencontre des utilisateurs, parce que tous autant qu'on est, on peut être designer, joueur, tout ce qu'on veut. En fait, on n'est pas forcément les utilisateurs de l'idée qu'on a envie de développer. On peut avoir envie de développer une idée pour des gens qui ont un quotidien qui est totalement différent du nôtre. Donc la première règle, entre guillemets, en tant que designer UX, c'est de ne pas se substituer à l'utilisateur, mais aller à la recherche de celui-ci, là où il se trouve, soit dans la vraie vie, soit dans des forums, soit sur les réseaux sociaux, etc. etc. et de réaliser des enquêtes pour prendre un maximum de données. Donc ça, j'ai envie de dire, ça s'applique à n'importe quoi, à tout un tas de sujets, quoi. C'est vraiment une phase d'immersion, et après, effectivement, il y a des méthodes qui sont plutôt dédié à la typologie de choses qu'on a envie de créer. Ça c'est sûr, quand on crée une interface on va pas tester les mêmes choses que quand on crée un jeu de société par exemple, parce que c'est pas du tout le même rapport physique, les mêmes éléments. Là, je pense en plus à un support tactile par exemple où on va avoir des interactions qui vont être particulières, alors qu'un jeu de société on peut imaginer que voilà, on va plutôt être sur de la manipulation de choses. Donc là il y a une spécificité effectivement qui va se émerger de ça, mais ça reste une seule et même méthode quelque part. C'est assez universel en fait. C'est pour ça que y a des gens qui ont packagé ça dans la notion d'expérience utilisateur, mais on y reviendra peut-être. C'est pas quelque chose qui est extrêmement nouveau. C'est juste que c'est bien packagé maintenant. Je vais reprendre. En ce moment, j'ai une marotte. C'est un chercheur qui s'appelle Stuart Hall et qui décrit dans la communication, lui en fait s'intéresser à la télévision. Il disait en fait, il y a un codage-décodage qui se fait dans toute communication, qu'elle soit télévisuelle ou autre. Là, par exemple, je parle à travers un micro et du coup, il y a des choses qui se passent. Et en fait, il décomposait les phases de codage et de décodage en différents points que je vais vous citer. Il disait, chacun, nous avons tous une certaine structure de sens. Par exemple, si je dis ballon, eh ben, peut-être que vous n'imaginez pas le même ballon que moi. J'imagine un ballon de baudruche, vous imaginez un ballon de basket, par exemple. Nous n'avons pas les mêmes connaissances. Je ne sais pas, moi j'ai certaines connaissances. Voilà. Ensuite, et le rapport à la production du message, ben voilà, là je tiens un micro, vous écoutez, donc du coup ça met un certain rapport déjà plus ou moins d'écoutant ou d'écouté. Et enfin, il disait qu'il fallait s'intéresser aux structures, donc voilà, quel est le dispositif, quelle est la structure qui porte le message, donc là nous sommes autour d'une table en bois, à boire des verres, etc. Et comment on intègre tous ces éléments en fait à l'UX design, au design d'expérience. Je m'explique un peu. Par exemple, un UX designer a une certaine culture, une culture graphique, une culture numérique éventuellement. Il a une certaine structure de sens, de connaissances, etc. Et comment on en sort en fait pour justement s'intéresser à cet utilisateur, utilisatrice. Ouais, effectivement. Enfin, c'est pour ça que je disais que il fallait effectivement ne pas se substituer à l'utilisateur. Donc, c'est un vrai travail. Il y a tout un tas de méthodes qui permettent de le faire. Ce qui est important, surtout à cette étape-là, c'est d'avoir des méthodes qui limitent au maximum les biais cognitifs. On a tous en fait, ne serait-ce que quand on pose une question à quelqu'un, elle peut être très orientée, même si on a les meilleures intentions du monde. Le design d'expérience utilisateur ou l'expérience utilisateur en tant que que concept, on va dire, c'est quelque chose qui est aussi un champ de recherche. Donc il y a beaucoup de gens qui font de la recherche dans ce domaine-là, des universitaires, des chercheurs, à Rennes, il y en a, mais des plus connus certainement, c'est parce qu'elle a un visage assez public, c'est Karine Lallemand qui est officielle à l'Université du Luxembourg. Et donc voilà, eux effectivement ils travaillent sur comment limiter au maximum les biais, comment construire des méthodes par rapport à ça. Moi c'est vrai que du coup je suis plutôt du côté du graphiste et du designer qui va mêler le fond avec la forme et avec le sens, donc je vais être un petit peu moins costaud, on va dire, pour répondre à cette question, mais il y a un outil que je trouve super intéressant pour ça et qui est assez rigolo à mettre en place, c'est ce qu'on appelle des sondes culturelles, qui est en fait tout simplement un objet que, en général, l'équipe qui va créer quelque chose, encore une fois c'est très large, donc mettez ce que vous voulez à la place de ce quelque chose, un site, un jeu, une application, va créer un objet qui va en fait forcer son utilisateur cible à lui partager en fait son vécu. Donc ces sondes culturelles, ça peut être un appareil photo, un carnet, un ensemble de questions très ouvertes sur racontez-moi des anecdotes sur la dernière chose qui vous a marqué dans une gare, par exemple, hein, ce genre de choses. Et donc ça, c'est des choses qui sont à déposer dans des lieux de passage et donc qui sont à remplir par des utilisateurs qui ont été ciblés, évidemment, parce qu'ils sont dans un lieu qui correspond à notre besoin. Et donc du coup, tout ça, ça donne une matière, en fait, qui n'est pas vraiment une matière exploitable en tant que telle, mais qui va nous permettre en fait de nous immerger dans le quotidien d'autres personnes, dans les besoins d'autres personnes, dans ce que tu disais un petit peu, la manière dont vont voir ces autres personnes la réalité tout simplement qui les entoure et leurs besoins et leurs usages, quoi. Donc il y a des éléments comme ça qui permettent d'essayer de rentrer un peu, enfin de comprendre et de rentrer un peu dans la tête de ses utilisateurs, ou en tout cas de changer un peu sa manière de faire. Mais c'est vrai que quand on dépasse un peu les frontières de la culture française et qu'on se dit on va aller faire des choses pour l'Asie ou l'Amérique du Sud, des choses comme ça, là on peut imaginer un besoin encore plus fort de justement aller voir, enfin comprendre d'autres cultures, ce qui peut être d'autant plus compliqué. Donc, mais c'est pour ça que c'est passionnant comme métier aussi, quoi. C'est que ça nous oblige à aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres personnes. Donc en ça, il y a des méthodes qui existent. Je pourrais pas en citer 10 000, mais celle-ci, je la trouve assez poétique en plus, cette méthode des sondes culturelles. Ouais. Il y a quelque chose qui est beaucoup utilisé aussi dans tout le travail du X-Design, ce sont les tests utilisateurs. C'est quelque chose qui, me semble-t-il, est pas mal sollicité. C'est quoi la réflexion originelle qui pousse à faire tester aux utilisateurs? Parce que là, on est dans une approche différente, c'est-à-dire qu'on a déjà quelque chose de testable, donc on n'est pas juste dans les prémices, comme tu pouvais l'évoquer avec les sondes culturelles. Donc c'est quoi l'origine précisément, et quels sont les usages, c'est quoi les bonnes méthodes? Vaste sujet. Alors déjà, avant de parler de tests utilisateurs, il faut parler de persona, parce que effectivement, une fois qu'on a parlé des utilisateurs types, qu'on a rencontré plein de gens, qu'on s'est fait une idée de leurs besoins, de leurs usages, c'est important de pouvoir les synthétiser. Et donc pour ça, on utilise tout simplement quelque chose qui s'appelle les personas, qui est une sorte de fiche qui va un petit peu représenter 3, 4, 5, selon les cas de figure, utilisateurs types, et qui vont être blindés de détails de tout ce qu'on a pu apprendre. Donc l'idée, c'est en fait de créer un visage humain à des statistiques qu'on a recensé dans notre phase de recherche. Donc du coup, on va lui trouver un nom, un prénom, un âge, une photo, un milieu culturel, des usages, etc. Un parcours utilisateur, ça c'est aussi très important, c'est de synthétiser le parcours de cet utilisateur et à quel moment il intervient, enfin, qu'est-ce qu'il fait avec ce qu'on est en train de créer. Et ça, c'est bien parce que ça permet déjà de garder en face de nous, en général, on l'accroche sur les murs de là où on travaille, et ça permet de garder en face de nous, en fait, un visage humain et pas juste de se perdre justement dans ce côté un petit peu artistique que peut avoir le designer parfois de... justement oublier ses utilisateurs. Mais encore une fois, là, je pense qu'il y a vraiment des distinctions aussi à faire par rapport au jeu là-dessus. Mais moi, je parle vraiment en tant que UX designer, mais on garde vraiment en tête les besoins et les usages de nos utilisateurs. Et donc ça, effectivement, ça va être une base qui vont nous permettre de créer des scénarios pour tester. Et alors tester, le but des tests utilisateurs, déjà, ça peut intervenir à vraiment à beaucoup, beaucoup de moments. Comme dans d'autres domaines, on a des phases de prototypage qui existent et elles peuvent venir très, très tôt, des prototypages papier, même d'interface, où on fait en mode un peu MacGyver, on va faire bouger des post-it, où on va faire des petites tirettes pour simuler des animations. Jusqu'à aller à un prototype quasi fini qui va représenter ce que ça serait et donc là tester d'autres choses. Donc déjà ça peut intervenir à plein de moments, l'idée étant évidemment de déceler les bugs ou les incompréhensions ou les choses qu'on aurait pu choisir et qui sont complètement à côté de la plaque le plus rapidement possible pour éviter d'avoir un produit fini et puis de se dire bah, en fait ça marche pas, on comprend pas pourquoi. Et après, le deuxième. Après, il y a beaucoup de typologies de tests. Enfin, il y en a plusieurs. Ça dépend un peu de ce qu'on veut tester. Il y a des tests qui vont être plutôt sur justement l'utilisabilité de ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est manipulable? Est-ce que c'est compris? Etc. Donc là, on est plutôt sur des concepts pragmatiques. Et puis, on peut aussi tester des choses qui sont plutôt. Des concepts dits hédonistes, c'est-à-dire plutôt sur la satisfaction, le plaisir ressenti, sur ce genre de choses. Donc là, on va être sur d'autres types de tests qui vont être plutôt sur des tests de très courts, genre sur les premières impressions. Donc là, si on parle vraiment de choses graphiques, qu'est-ce que vous ressentez sur les premières impressions ? Donc voilà, il y a tout un tas de typologies, le but étant effectivement de soumettre tout ça pour tout simplement être sûr que l'expérience utilisateur qu'on a designée, elle soit cohérente avec ce qu'on a imaginé à la base. Donc, si je comprends bien, vous faites des fiches de perso de vos utilisateurs pour leur concevoir une aventure sur mesure, c'est ça ? Il y a un petit côté comme ça, effectivement, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que justement, l'idée, c'est d'être... l'idée, c'est d'être assez représentatif de la cible. Et il y a un format sur lequel on peut se faire un peu plus plaisir. C'est, donc là, j'ai parlé de persona, mais en amont, si on a assez peu de données sur nos utilisateurs, on va faire des proto-persona. Donc c'est plutôt les utilisateurs qu'on imagine être les utilisateurs de notre... Et là, c'est sûr qu'on peut se faire vachement plus plaisir et être dans une démarche un peu plus rôliste avec des profils un peu atypiques ou des personnes âgées qui sont hyper geeks, par exemple. Enfin, des choses qui existent dans la vraie vie. Hein. On serait étonné, mais... Mais effectivement, il y a un côté un petit peu comme ça, ouais. C'est une aventure sur mesure. Je vais prendre la place un peu d'Adrien et c'est moi qui vais poser la question de Réac. C'est toujours agréable, c'est bien. Non, parce que là, du coup, on parle depuis tout à l'heure de faciliter la vie des utilisateurs ou des utilisatrices ou des joueurs et des joueuses. Mais en fait, est-ce qu'on passe pas aussi à côté de... d'utilisateurs ou d'utilisatrices experts quelque part n'ont pas envie qu'on rende le logiciel ou qu'on rende le jeu accessible parce que tout simplement ça fait partie de leur technicité. Moi je pense à plusieurs profils en pensant à ça. Je pense aux utilisateurs de Emacs qui sont hyper contents que CTRL-C et CTRL-V, tout le monde se plante en faisant ces raccourcis clavier parce qu'on pense que c'est copier-coller. En fait, sur Emacs, c'est complètement autre chose. Je me souviens en école d'ingé, on m'avait parlé aussi de ce compilateur sur lequel un programmeur s'était servi d'un bug pour qu'au moment où ça faisait chauffer un petit peu le processeur sur une boucle, ça fasse, il profite d'un plantage et il s'en sert dans son logiciel. Et quand le compilateur avait réglé ce problème, et ben son programme à lui ne marchait plus. Et du coup, je pense à des jeux qui parfois sont hyper obscurs et où en fait les communautés de fans du jeu sont orientées autour de ces... De nous, ce qu'on parle de défauts d'ergonomie, mais ils sont vraiment orientés autour de ça. Du coup... Est-ce qu'on n'oublie pas, quelque part, un certain type d'utilisateur qui a des profils qui rentrent peu dans ces personas ? Là, c'est oui, on parle de potentiellement de bug exploit et de trucs comme ça. En fait, j'ai envie de dire, ça dépend. Enfin, si on est vraiment dans une démarche de conception pertinente entre guillemets, on prévoit ce genre de profil. Et je pense en plus que, enfin, il y a beaucoup de jeux, notamment du jeu vidéo, qui intègrent justement ces profils experts-là avec des courbes de progression particulières ou des un skill qu'il est possible d'avoir. Rapidement sur le site, rapidement sur le jeu, à Lapsus. Mais effectivement, il y a des sites où il faut avoir du skill aussi, clairement. Je veux dire, effectivement, je pense qu'il y a des sites type Amazon, par exemple. On peut avoir du skill sur Amazon parce que ça peut paraître très compliqué. Même Facebook, aujourd'hui, c'est quand même d'une complexité assez impressionnante. Alors que c'est censé être de plus. Enfin, ça se voudrait peut-être être de plus en plus simple. Quoi qu'il en soit, en tant que designer, moi je suis pas contre les gens qui vont un peu craquer le code et puis trouver des manières d'exploiter les choses. Après, ça dépend encore une fois de ce qu'on a eu envie de faire à la base. Je pense à des exemples comme Dishonored où clairement ce côté émergent était prévu et il y a eu des choses. Il y a une vidéo qui est super intéressante là-dessus où les développeurs expliquent en gros qu'il y a des mecs qui ont retourné le jeu, le premier surtout, et qui avaient trouvé qu'il était possible de coller une mine sur un rat, voilà, pour créer un jeu émergent par rapport à ça. Et les mecs, on se sont dit, mais on n'avait pas prévu ça, c'est tellement génial. Et du coup, ils ont fixé le truc parce que, en gros, la mine était à 30 cm au-dessus du rat, donc on voyait que c'était un gros bug, quoi. Bref. Donc, en tant que designer, je trouve que c'est hyper intéressant quand. L'utilisateur se crée sa propre expérience. Je pense aussi à genre les gens qui dans les MMORPG vont au-delà des frontières du jeu et se créent leurs propres aventures comme ça, un peu ésotériques. Mais en tant que designer d'interface qui bosse en agence, clairement, je préfère l'anticiper et prévoir un persona qui soit expert pour lui offrir justement une expérience qui sera calibrée pour lui, quoi. Après, de toute façon, clairement, on manipule des choses qui sont imparfaites. Je veux dire, Internet, on pourra faire ce qu'on veut. Il y aura toujours une mise à jour d'un navigateur qui pètera le truc et qui fera que les gens trouveront des failles, pour le meilleur comme pour le pire. Quand c'est pour créer... du jeu, c'est cool quand ça crée des failles de sécurité qui envoient en ligne des données de milliers de personnes, justement parce qu'un profil expert s'est amusé à. Du coup, là, c'est un petit peu moins cool. Donc, mais effectivement, c'est pour conclure peut-être là-dessus, mais moi, je me suis souvent posé la question dans cette démarche-là de me dire, est-ce qu'on n'est pas en train faire aussi une génération d'assistés, quoi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là de se dire, à force de tout faciliter. J'avais un ancien collègue qui disait l'UX extrême d'un jeu vidéo, c'est tu lances la partie, il y a un gros bouton qui fait finish the game et t'appuies dessus et t'as fini. Enfin, je veux dire, c'est le QTE extrême, quoi. C'est le truc de se dire finalement à quoi bon passer 3 heures à appuyer sur des boutons pour réaliser des chorégraphies, pourquoi autant appuyer sur le bouton directement, le résultat est le même. Mais voilà, troll mis à part, on peut se poser la question, mais je pense que c'est à nous aussi de créer de la difficulté en tant que designer, justement, parce que c'est là où c'est aussi intéressant pour nous de la simplification. C'est pas que de la simplification aussi, c'est créer une architecture qui est. Intéressante et pertinente et qui répond aux besoins d'origine, quoi. Voilà. Si je peux résumer à peu près, ouais, ça consisterait en termes de jeu, pour bien parler de jeu, hein, à proposer des challenges qui ne résident pas dans la prise en main du jeu, quelque part. Ouais, effectivement, ou qui sont potentiellement des combinaisons d'éléments qui ne sont pas spécifiquement expliqués au début, mais qui s'acquièrent au fur et à mesure de l'apprentissage. Après, c'est encore une fois, la recherche d'une bonne expérience utilisateur, d'une bonne UX, c'est aussi imaginer, pas imaginer, mais du coup mettre sur papier les parcours des utilisateurs. Donc on est un peu tributaire de ce que les gens vont réussir à faire, mais effectivement j'imagine plutôt quelque chose qui va être par rapport au parcours, cet intérêt là, cette pertinence là, j'imagine plutôt quelque chose qui va émerger à plein de moments du parcours avec ça c'est typiquement jeu vidéo, le moment où on appréhende en fait le début, la partie tutoriel, la partie onboarding, tout ça on l'a aussi sur le web. Et après c'est comment de cette base là on va rajouter des couches justement qui vont correspondre à des profils plus experts. Peut-être que 80% des gens vont pas utiliser certains éléments, mais sur les 20%, bah, ils vont carrément limite changer la manière dont l'outil est utilisé, quoi. Donc ça va plutôt être, je pense, disséminer des choses au fur et à mesure de l'expérience, pour qu'en plus il y ait au fur et à mesure qu'on revienne et qu'on réutilise, il y ait toujours des nouvelles choses à faire et qu'on monte comme ça en compétences, quoi. Peut-être. Je me pose la question, donc là c'est partir des utilisateurs effectifs, créer les personas pour faire des c'est pas des caricatures, mais de globaliser un peu, voilà, le type. Et dans cette idée-là, est-ce qu'on peut aussi exclure complètement des personas volontairement pour axer le développement? Alors, on parle plus de jeux dans ludologie, hein, mais ça peut être aussi de sites ou quoi que ce soit. Alors, dans la démarche mercantile, généralement, on essaye de vendre aux plus nombreux, bien sûr, mais peut-être pour faire plaisir aux experts ou, à contrario, pour faire plaisir aux noobs ou aux débutants, pardon. Voilà, est-ce que... Voilà, c'est possible dans cette démarche de design UX de volontairement exclure certaines personas. Ben oui, malheureusement, enfin c'est possible, ça se fait en tout cas, notamment parce que ce concept de design d'expérience utilisateur, en fait, il est beaucoup utilisé par toutes les startups, quoi, toute l'émergence des startups qui justement font des choses qui sont extrêmement de niche. Donc à partir du moment où ils font des choses de niche, évidemment qu'ils excluent quelque chose. Typiquement un service, j'ai une idée comme ça qui, voilà, parce que ça me concerne entre guillemets, mais un service de barbier, bon bah évidemment ça va exclure tout un tas de personnes, ça c'est sûr. En ça peut être, ça peut effectivement exclure les gens quand on va être dans une démarche en fait de vraiment cibler des utilisateurs pour créer quelque chose qui est de l'ordre du sur-mesure. Par contre, là où c'est renverser un petit peu ta question et là où c'est pas du tout normal, c'est que la non-utilisation quelque part de cette méthode crée de l'exclusion. C'est-à-dire que je pense notamment à tout un tas de sites de notre très cher gouvernement, donc qui pour le coup, parce que justement ils n'ont pas forcément toujours cette démarche là d'aller chercher leurs utilisateurs, peuvent exclure beaucoup de personnes. Et justement Manuel en parlait au début, dans la dernière soirée de conférence qu'on a fait avec UX Rennes, on parlait justement de design inclusif. Parce que justement, l'idée c'est justement de se rendre compte aussi que il y a tout un tas de profils qui n'apparaissent pas dans les personas, et c'est pas qu'on a choisi de le faire. Là, si on a choisi de le faire, c'est clairement une mauvaise pratique et c'est clairement dégueulasse. Je sais pas comment le dire autrement, mais qui constitue la société française d'aujourd'hui, les personnes. Par exemple, en situation de handicap, sont tributaires d'énormément de choses. Et je pense notamment à un truc qui est vraiment très con, mais les daltoniens. Les daltoniens, il y en a énormément en France. Et c'est des gens qui ne peuvent pas du tout utiliser certains types de services et certains types de jeux, si ce n'est pas un minimum réfléchi en amont, quoi. Et donc là, effectivement, si on a imaginé que nos personas, c'était des gens blancs avec une culture judéo-chrétienne, si je trace à grands traits les choses, on peut exclure plein de gens. Et là, c'est mal utilisé justement cette démarche de design d'expérience utilisateur, parce que du coup l'idée c'est d'aller à la rencontre des vrais utilisateurs, donc c'est là qu'on se rend compte de leur diversité justement, quoi. Mais oui, ça exclut, ouais. Et alors je vais continuer dans le mauvais UX design, ou en tout cas dans le avec une intention très particulière. On a vu certaines personnes qui venaient de grosses entreprises, des GAFA pour ne pas les citer, donc Google, Amazon, Facebook et j'ai oublié le dernier, Apple, qui revenaient de ces boîtes-là et qui disaient en fait on a inventé des expériences utilisateurs pour vous faire perdre du temps. Pour que vous passiez du temps sur ces outils-là, pour qu'on puisse récolter de la donnée, tout simplement, et la vendre. Mais du coup, je profite d'avoir un UX designer sous la main. Comment on me fait perdre mon temps ? C'est une question un peu piège, hein, mais voilà, si tu devais me designer quelque chose qui devait faire perdre mon temps, et en plus de manière agréable, comment tu ferais ? Parce que c'est un jeu, ni plus ni moins. Hein. Déjà, faut pas perdre de vue que derrière cette perte de temps là, il y a de l'argent. Donc, si on te fait perdre ton temps, c'est pour quelque part que eux ils gagnent plus d'argent. Donc, je suis pas sûr que ça soit très, même si c'est ludique, très agréable quelque part. Il y a un truc qu'on appelle les dark patterns, qui est un truc. Ouais, c'est là, on est un peu dans l'univers mystérieux du web, mais en fait, c'est tout un tas de mauvaises pratiques qui visent justement à créer ce genre de choses. Donc c'est beaucoup sur les formulaires notamment, d'inscription sur des choses où on va forcer un petit peu les gens de manière très détournée à refiler des infos qu'ils veulent pas refiler. Là en l'occurrence, faut pas oublier que le design d'expérience utilisateur, il y a beaucoup de gens et notamment dans ces grosses entreprises là qui viennent justement des milieux plus de la recherche et des sciences cognitives. Donc ça veut dire que c'est des gens qui connaissent très bien notre cerveau. Ça veut dire que c'est des gens qui sont capables de créer des expériences utilisateurs qui vont jouer sur l'addiction, qui vont jouer sur des moments d'attente raisonnables, mais en même temps suffisants pour te permettre. Je pense à des free-to-play qui. Moi, je suis toujours halluciné pour le coup de voir des free-to-play qui fonctionnent à fond les ballons, alors que le jeu est gratuit de base, mais que par cette dimension justement d'attente. Presque impossible à contenir au bout d'un moment, vont transformer quelque chose de gratuit en quelque chose de très rémunérateur. C'est du dosage en fait. En fait, c'est vraiment des dosages qui sont très fins et qui agissent vraiment sur des notions. Là encore une fois, c'est des choses qui me dépassent un petit peu parce que là, il faudrait vraiment interviewer des gens qui ont. Un bagage universitaire ou de recherche beaucoup plus profond, mais qui va vraiment faire appel à des choses qui sont de l'ordre de mécanismes intellectuels, voire même inconscients, et qui du coup vont provoquer tous ces besoins-là. Mais justement, ouais, nous on est un peu des bisounours en mode on veut rendre service aux gens et on veut faire quelque chose de très pertinent. Malheureusement, effectivement, tous ces grands-là, ils ont compris très tôt que le but de tout ça, c'était effectivement de rendre captifs les gens, en fait. L'expérience utilisateur, dans son côté un peu négatif, quand tu produis une bonne expérience utilisateur, une expérience utilisateur addictive, tu rends captifs les gens. Et eux, c'est tout ce qu'ils recherchent, quoi. Donc, interviewer un psychologue, ou je pense que ça pourrait être super intéressant. Bien badant, mais hyper intéressant. Finalement, si je comprends bien, peut-être je comprends mal, mais si je comprends bien, les méthodologies de design UX, c'est les techniques de marketing appliquées au design. Alors le marketing n'est pas très loin effectivement, et pourtant on s'aime pas du tout parce que en gros le marketing a son truc à lui qui s'appelle l'expérience client. Alors voilà, on est clairement dans la querelle de chapelle et c'est assez rigolo, mais effectivement c'est ce qui existe aujourd'hui, et on va dire que ceux qui sont un peu plus ceux qui prônent le design d'expérience utilisateur ils vont carrément jusqu'à plutôt parler d'expériences humaines, et je trouve que c'est assez intéressant de parler d'expériences humaines parce que en gros derrière il y a une volonté justement un petit peu humaniste. C'est-à-dire qu'en gros, là où le marketing cherche à dresser des profils de prospects, de clients, donc des gens qui vont clairement être transformés en machines à sous, on va dire ça comme ça, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, il faut tout ce qu'on gagne notre vie à un moment donné ou à un autre, mais là où l'expérience utilisateur va être plutôt sur l'idée de se dire En gros, il faut qu'on rende service aux gens. Il faut que cet usage, enfin, il faut qu'on comprenne les usages et qu'on aille dans le justement le fait de rendre service aux gens et pas forcément de leur soutirer de l'argent. Il n'y a pas forcément une démarche monétaire derrière. Malheureusement, dans toute entreprise, il y a des gens qui s'occupent de ça. C'est ce que je dis souvent en conférence, c'est que moi, je parle pas d'argent dans mon travail parce qu'il y a des gens qui font ça bien mieux que moi et dont c'est le travail. Mais malheureusement, effectivement, enfin, c'est toujours quand même intéressant d'essayer de promouvoir plutôt cette vision un peu plus humaniste plutôt que d'être dans le côté pur marketing, parce que bah, clairement, le marketing va axer le truc vraiment avec des chiffres, des taux de rentabilité, des trucs comme ça. Nous, on va être plutôt sur une démarche de tout simplement, comment on fait pour qu'à la fin, l'utilisateur, il ait la meilleure expérience possible. Parce qu'une expérience utilisateur, c'est évidemment pas, enfin, une expérience, c'est évidemment pas de base bonne, bon, quoi. Enfin, c'est, ça peut être mauvais. Et comment on fait pour que le service qu'on invente, et aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de gens sur le marché, et dans le jeu, c'est la même chose au final. Il y a tellement de, ouais, de concurrence acharnée que comment on fait pour que notre idée, elle soit plus pertinente que d'autres, elle soit plus, elle apporte quelque chose qui soit plus adapté à cette personne-là. Donc, je suis conscient que la frontière, elle est très légère et qu'elle est très facilement manipulable. Donc, c'est une question de. Finalement, c'est politique, c'est comment on s'empare de cette notion-là et qu'est-ce qu'on veut en faire à titre individuel et comment, en tant que designer, on a chevillé au corps des valeurs plutôt humanistes et pas mercantiles, quoi. Mais oui, il y a un petit côté, effectivement, c'est très lié au marketing. Mais... Oui, pour les mécanismes de free-to-play et en attendant qu'on fasse un épisode sur le sujet avec un psychologue. Il y avait un épisode de Merci Dorian qui parlait spécifiquement du sujet et qui en parlait très très bien. Donc, je crois que c'était celui sur les loot. Donc il parlait de Skinner et tout. Enfin, c'était, ouais. Y a une question que je me pose, c'est déjà, est-ce que techniquement dans les entreprises de jeux vidéo aujourd'hui, est-ce que tu sais s'il y a des UX designers pour les jeux? Et est-ce que dans cette démarche de UX designer, parce que si j'ai bien compris, on fait une analyse déjà sur les prototypes de base, et ensuite il y a une sorte de boucle participative où on va faire un produit fini, on va voir les retours, on va upgrader le produit, c'est un cycle en fait. Oui, on est clairement dans une démarche itérative, dans le meilleur des cas. Alors après, effectivement, selon le temps et l'argent qu'on a. Mais alors après, est-ce que dans le jeu vidéo, ça existe? Ben, là, j'ai envie de dire, vous serez peut-être plus informés que moi sur la question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les designers UX et les agences qui étaient spécialisées dans le design UX ces dernières années, on va dire depuis 2016, commencent à se faire racheter par de grands groupes. Des groupes qui ont besoin de cette vision un petit peu et de ces expertises-là pour créer des choses innovantes et voilà quoi. Après, le truc c'est que dans le jeu vidéo notamment, c'est quand même assez éclectique entre les petits studios et les grandes boîtes. Je sais pas exactement quel type de profil il peut y avoir, mais je pense que évidemment que dans les grandes boîtes, à un moment donné ou un autre, il peut y avoir des profils qui vont se rapprocher d'un UX designer. Ça va peut-être pas s'appeler comme ça, mais ce serait quand même très étonnant que, en tout cas, cette manière de voir les choses ne soit pas prise en compte. En plus, notamment à cause du fait qu'il y a beaucoup de gros éditeurs de jeux qui s'orientent vers le jeu service et donc qui du coup va dans le sens d'une expérience utilisateur qui doit être bonne sur le long terme et pas uniquement sur de manière ponctuelle comme ça sur une seule fois. Donc oui, après c'est vrai que j'ai pas réussi à rencontrer spécifiquement de personnes de designers, d'expérience utilisateur dans des grosses boîtes. Ça serait intéressant de creuser un petit peu la question. Moi, je sais qu'on dans l'univers du web, du coup, il peut y avoir des accointances, mais en général, les gens se découvrent un peu l'un l'autre, quoi, univers jeux vidéo et univers web, en disant ah bah c'est marrant parce que ça ressemble à des choses qu'on fait. Bah oui, nous aussi, mais ça s'appelle pareil. Donc voilà. Mais le terme UX, je ne sais pas s'il est arrivé dans le jeu vidéo encore. Donc je pourrais difficilement répondre à ta question concrètement, mais je pense que ça mérite de creuser les choses. En tout cas, thématiquement, ça doit forcément exister, je pense. Là, c'est quand tu évoques les grands groupes et les plus petits, ça m'évoque des problématiques de les grands groupes. Alors, c'est tracé à gros traits et donc un peu cliché, mais les grands groupes essayent de faire plus d'argent, donc essayent de plaire à tout le monde. Parfois au risque de perdre ce qu'ils sont censés représenter ou quoi que ce soit. Et je me dis, est-ce que justement le fait de s'intéresser à l'UX peut permettre de se rapprocher en fait, de ce qu'on veut vraiment faire, hein, justement avec la démarche humaniste ? Là, j'arrive pas à me rappeler du nom du dessinateur, mais je pensais là par rapport à Disney, il y avait un dessinateur qui travaillait avec Disney, qui a fini par faire sécession. Il avait fait Brisby, le secret de Nîmes, bon, pas tout le monde ne connaît pas, mais qui a un dessin animé absolument magnifique. Et parce que Disney il pouvait pas faire ce qu'il voulait, ça c'était pas les dessins animés qu'il rêvait de faire. Et je me dis justement, est-ce que l'UX peut permettre de se recentrer justement, l'utilisateur étant l'essentiel, pour les grands groupes. Je reprends ma question. Est-ce que justement les dissidents et les petits groupes sont pas ceux qui vont plus pratiquer l'UX parce que les grands groupes se perdent à vouloir plaire à tout le monde? Je pense que les petits développeurs de jeux, entre guillemets, petits développeurs de jeux, les indépendants, etc., ont tout à gagner effectivement à utiliser cette méthodologie-là. Je pense que d'ailleurs, quelqu'un comme Fibre Trigger, à mon avis, est très dans cette logique-là de savoir pour quel public on doit faire certains jeux. Donc on va dire que pour vivre entre guillemets de son développement, je pense qu'il peut être tout à fait intéressant pour toucher les gens. En fait c'est ça, c'est le but, c'est aussi de toucher la cible qu'on a envie de toucher. Et donc en ce sens, les avoir identifiés en amont va permettre justement d'améliorer et le produit qu'on est en train de réaliser pour eux. Et aussi ça permet aussi de créer des communautés, l'expérience utilisateur. Parce que forcément du coup on crée des gens qui sont prescripteurs de choses et qui vont nous accompagner tout au long du développement à améliorer les choses ou en tout cas la transformer. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'indés qui effectivement potentiellement pourraient gagner à passer par ce genre de biais-là. Je ne sais pas, il y a un petit studio à Rennes qui s'appelle Concrete Game, si je ne me trompe pas, qui, sans dire qu'ils font de l'UX, je les ai toujours vus à peu près tous les meet-up, à montrer leurs jeux, à recueillir les retours, etc. Donc clairement, ils sont dans une démarche d'expérience utilisateur, avec un prototype de base qui était vraiment en mode polygone grossier, sans texture, etc. Donc je pense qu'effectivement, les petits studios, et c'est pas pour rien que les startups sont à fond sur ce genre de méthodologie-là, qui permettent de très très vite avancer, créer des proof of concept ou des choses qui sont très rapidement testables, se construisent sur ce genre de méthodo. Il n'y a pas de raison que les jeux ne puissent pas se faire de la même manière, que ce soit un jeu de société d'ailleurs, qu'on peut très vite prototyper ou un jeu vidéo. Mais après, on y reviendra peut-être après, mais il y a quand même une notion aussi de se dire que dans le jeu, le créateur a une place assez importante et qui est quand même assez différente de ma position que moi j'ai en tant que designer d'interface où j'ai pas spécialement une position de créateur. Je me dois d'aller vraiment dans le sens des utilisateurs. Je pense que quelqu'un qui développe un jeu se doit aussi certes d'écouter ses utilisateurs pour leur proposer une expérience qui soit bonne, mais aussi doit les surprendre et aller dans un sens qui ne correspond pas forcément à leurs attentes. Mais c'est comme n'importe quoi. Enfin, Picasso, avant de faire du cubisme, il faisait du dessin académique. Donc, avant de casser les règles, il faut aussi sûrement les connaître à un moment donné. Et avant peut-être de retourner l'utilisateur en lui proposant quelque chose qui, au fond, lui-même recherche, mais ne l'avait pas verbalisé, bah, c'est peut-être bien de l'entendre de base. Donc, oui, carrément. Je pense que donnez-nous du travail à nous, les designers UX. Eh bien, je profite d'avoir un UX designer à côté de moi pour poser une question que je me pose depuis longtemps. Avec les nouveaux outils numériques, on entend de plus en plus parler de flat design, de material design. C'est quoi en fait ces trucs de hipster? C'est quoi? C'est à quoi ça correspond le flat design? C'est un truc avec un léger dégradé en orange ou? Ouais, ça c'est un gros débat entre guillemets qu'il y a eu ces dernières années, mais en fait c'est vraiment, ça sert à rien quoi, parce que en fait le flat design et le material design, ce ne sont en fait, on va dire, ce ne sont que des manières visuelles de représenter les choses. Typiquement, material design, c'est Google qui un jour décide d'uniformiser toutes ses interfaces et donc décide de le faire à travers des éléments graphiques qui sont redondants, qu'on soit sur un ordinateur ou sur un téléphone. Et donc, il crée un design système autour de ça, avec des patterns, avec tout un tas d'éléments, des couleurs, des animations, extrêmement bien documentées. Je vous invite à aller voir le site qui présente Material Design, il est génial. Sauf qu'en vrai, sur un site internet, le material design, quand c'est pas Google, ben, ça marche quand même difficilement, parce qu'il y a des éléments qui sont plutôt en bas de la page, donc on a tendance à pas voir, etc. Et le flat design, c'était un petit peu antérieur à ça, et c'était plus... en fait, le flat design, c'est en réaction à justement ce que Apple avait instauré, notamment avec l'iPhone, et avec donc cette mouvance qu'on appelait le scomorphisme, qui est un mot qui est quand même magnifique, non ? Hein ? Au Scrabble, à mon avis, ça doit compter triple, et qui était cette manière de représenter les choses de manière réaliste. C'est-à-dire que dans une application agenda, eh ben, on avait du cuir, on avait des choses un petit peu reliées, comme si on avait des points de couture. Dans l'application dictaphone, ben, ça représentait un dictaphone en métal, etc. quoi. Donc ça, c'était Steve Jobs qui avait beaucoup impulsé ça à l'époque. Paraît-il que, justement, pour l'anecdote, l'application agenda sur iPhone et sur les appareils Apple, les matières étaient directement inspiré du cuir de son avion. Voilà. Bon, on en fera ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a eu une réaction à ce trop-plein de réalisme, et les gens se sont dit, au bout d'un moment, mais en fait, ça ne sert à rien de représenter quelque chose de réel alors que c'est du numérique. Pourquoi on ne ferait pas des choses plates, simples, avec des couleurs, et en allant beaucoup plus sur l'aspect... la fonctionnalité plus que l'aspect visuel quoi. Mais et d'ailleurs ça s'est exporté sur d'autres domaines, hein. Le low poly, toutes ces choses là, c'est des mouvances qu'on peut un petit peu affilier au flat design. Des choses comme Monument Valley par exemple utilisent une représentation graphique qui pourrait se rapprocher de quelque chose qui est en flat design quoi. Mais c'est vraiment derrière le material design, il y a quand même une volonté de créer des patterns d'utilisabilité, on va dire. Très honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment plus quelque chose de visuel et que ça valait pas le coup d'en faire d'en faire un débat à ce point-là, de se dire c'est la révolution, tout ça. Non, la révolution, ça a été le fait de pouvoir voir Internet sur son mobile ou d'autres choses sur son mobile. La révolution demain, ça sera l'implication de l'intelligence artificielle, par exemple. C'est pas la manière dont on représente les choses, quoi. Enfin, ça changera toujours, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train de faire un virage vers un retour, entre guillemets, du scomorphisme, avec le retour d'ombre, de dégradés, de choses qui sont plus seulement des couleurs à plat. Mais voilà, quoi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était chiant de juste utiliser des couleurs. Il y avait tellement d'autres manières de faire les choses, de donner du volume aux interfaces. Donc voilà, ça répond à ta question. Je vais revenir sur les questions jeux et UX qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quand même une porosité dans les pratiques entre conception de design UX et pratique ou conception de jeu ? Toi, par exemple, je sais que tu as une pratique de jeu, que ce soit en jeu de rôle, en jeu vidéo ou en jeu de société. Est-ce que ça influe sur ta façon de penser des dispositifs interactifs numériques ? Encore une fois, il faut distinguer du coup cette espèce de d'envie de créer de bonnes expériences utilisateurs et donc du coup de s'intéresser à qu'est-ce qui crée de bonnes expériences utilisateurs et puis les méthodologies qui nous permettent d'y arriver. Donc évidemment, moi, comme n'importe qui, quand je joue, j'aime bien sortir du jeu en ayant eu une bonne expérience, ou en tout cas une expérience mémorable. Ça, c'est un truc dont on peut très rapidement parler, c'est que l'expérience utilisateur, elle se découpe en trois phases. L'attente de cette expérience, qu'est-ce qui se passe en amont, l'anticipation de génial, le truc là je l'attends trop, quand est-ce que je vais pouvoir mettre les mains dessus, l'expérience en elle-même, et puis derrière en fait le souvenir qu'on va avoir de cette expérience, parce qu'au final, tous autant qu'on est, quand on va avoir une expérience, on va pas s'en souvenir de A à Z de cette expérience. On va avoir un souvenir de cette expérience une heure plus tard, deux jours plus tard, une semaine plus tard, quoi. Donc ça, forcément, quand il y a des choses qui nous marquent, moi, en tant que designer, quand il y a des choses qui me marquent, je me pose la question de pourquoi ça m'a marqué, qu'est-ce qui m'a marqué. Et c'est des choses que j'essaye de réinjecter un petit peu, effectivement, après dans ma pratique de designer d'interface. À travers, il y a quelques mécaniques qui sont assez intéressantes et quelques leviers. Évidemment, il y a le côté un petit peu jeu. Dans le web, il y a le côté jeu qui commence à arriver, ce qu'on appelle un peu la gamification. Alors qu'on soit à l'aise ou pas avec ça, ça fait partie de ces éléments qui, à l'aide de trophées, à l'aide de petites récompenses, de points, vont permettre de créer justement des expériences un peu plus ludiques et donc un peu plus mémorables. Il va y avoir aussi tout ce qui va être ce qu'on va appeler le design émotionnel. Donc ça, c'est vraiment comment en fait on crée de l'émotion sur nos interfaces, soit à travers une analyse assez fine des couleurs qui vont justement véhiculer les bonnes émotions, parce qu'il y a tout un tas de recherches et d'études par rapport à ça, soit à travers la manière dont va s'exprimer le site internet. Alors à l'heure des jeux narratifs, ou dans lesquels il y a un narrateur un peu omnipotent, c'est marrant parce que du coup moi ça m'influe pas mal dans ma création du design, c'est de me dire ok, je suis en train de faire un site internet, si ce site internet était une personne, comment elle s'exprimerait, et du coup ça, comment le vocabulaire du site en ressort et comment ce vocabulaire là donne une expérience utilisateur particulière et donne une voix particulière à ce site et le distingue des autres, quoi. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner le contenu, la manière dont effectivement on va mettre en scène l'iconographie du site également, donc l'identité propre du site. Mais il y a vraiment ce côté-là de effectivement aller vers des expériences narratives, immersives et narratives. Ça, on en parle de plus en plus sur le web. Et derrière, du coup, ça c'est clairement quelque chose qui est très vidéoludique, quoi, même, entre autres. Bien, merci. Donc, on arrive bientôt à une heure de podcast. Donc, on va pouvoir conclure par une question qu'on a sélectionnée parce que c'est, c'est une question qu'on va poser la même à tous nos invités et à toutes nos invitées de cette saison 4. Donc, elle n'est pas faite sur mesure pour le sujet UX et game design. Et cette question, on a un plaisir coupable à la poser parce qu'il s'agit de parler de plaisir coupable. Est-ce qu'il y a... on sait qu'il y en a un. Quel est ton plaisir coupable en matière de jeu ? T'as le droit de réfléchir un petit peu. Et c'est à toi de trouver ce qu'est plaisir coupable, du coup. Alors, des plaisirs coupables, j'en ai pas mal potentiellement, mais je pense plus à des films ou des séries. Alors, en jeu vidéo, alors le plaisir coupable, c'est potentiellement le jeu auquel on revient, ou alors le jeu qui est d'un point de vue d'un commun accord un peu pourri, mais qu'on adore, c'est un peu ça, non, potentiellement. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi une pratique de jeu dont tu as honte. Ça peut être un type de jeu auquel tu joues et tu raffoles, mais tu as honte. Enfin, c'est un plaisir coupable. Et pas que jeu vidéo, hein. Ça peut être tu aimes jouer au Monopoly, tu as le droit. Si... Mais voilà, c'est... ça peut être jeu de société, jeu de rôle. Non, j'ai malheureusement pas assez de temps pour jouer, donc du coup je sélectionne en général les jeux et j'essaie d'en sélectionner des bons. Je vais prendre pour du coup répondre à la question, je vais prendre quelque chose qui est plutôt de l'ordre du secret inavoué, même si on est peut-être plusieurs à être passé par là, mais j'avoue avoir eu ma période Farmville à l'époque et y avoir quand même passé énormément de temps, avoir invité beaucoup de gens, avoir beaucoup spammé diverses personnes pour avoir des petits bonus totalement inutiles lors d'events saisonniers. Voilà, après ça fait un petit moment que j'y ai pas remis le nez, ça, je ne sais même pas si ça existe encore d'ailleurs, mais je pense que ouais, de tous mes petits plaisirs vidéoludiques, celui-ci est certainement le moins avouable. J'avoue que j'ai beaucoup beaucoup joué à Island Paradise, qui est la même chose, faut être honnête, donc je comprends. Merci beaucoup Guillaume, on arrive effectivement à une heure de podcast pour ce premier numéro de la saison 4. Vous l'avez compris, Ludologie, c'est reparti pour un quatrième tour. Vous allez pouvoir nous écouter. Vous ne serez pas sans avoir remarqué qu'on démarre un peu plus tard que d'habitude. Je me permets de vous préciser que c'est parce qu'on a diffusé pendant tout l'été les conférences du Stunfest 2016. Vous allez donc pouvoir les réécouter si ça n'est pas déjà fait. Il y a plein d'échanges très intéressants et peut-être même que vous retrouverez des voix connues. Vous allez aussi pouvoir écouter plus tard avec un peu de chance les conférences du Stunfest 2018, puisqu'il y aura à nouveau un Stunfest au cours de l'année à venir, dont à nouveau nous serons proches, voire partie prenante, et on espère bien, c'est encore en discussion, mais on espère bien pouvoir diffuser les conférences, puisque bah, après tout ça colle un petit peu à ce qu'on vient vous raconter ici. On a déjà de très beaux épisodes de podcast à vous diffuser dans les semaines à venir avec des invités nouveaux ou moins nouveaux. Vous allez pouvoir découvrir tout ça. Bref, on vous prépare une saison 4 sans redondance, avec plein de réflexions, plein de jeux, plein d'idées. C'est reparti tous les 15 jours, hein, vous vous en doutez bien, à partir d'aujourd'hui. Bonne écoute. N'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à déposer des commentaires, à poser des questions, à partager. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, on vous retrouve à nouveau dans 15 jours. D'ici là, n'oubliez surtout pas de continuer à jouer.